Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Qui informa en premier Émile Zola de la dégradation d'Alfred Dreyfus ? Lucien Daudet. Qui s'arrangea pour pouvoir être poursuivi en cour d'assises afin de ne pas être jugé par un tribunal militaire ? Émile Zola, bien sûr. En 1986, sur France Culture, dans l'émission « Les historiens racontent », Henri Guillemin revenait sur l'affaire Dreyfus et le rôle primordial dans l'éclatement de la vérité d'Émile Zola, sur le déchaînement de fureur dans une partie de l'opinion publique après la publication dans l'Aurore du fameux « J'accuse ». Pour parler de Zola dans l'affaire Dreyfus, je ne crois pas inutile de présenter les grandes lignes de cette affaire Dreyfus jusqu'à ce que Zola y intervienne. Eh bien, ça commence bizarrement par une date imprécise. Ça commence à la fin septembre 1994 et le jour est inconnu. Ça se passe où ? Ben, au service dit de statistiques, qui était le nom maquillé du deuxième bureau. Un tout petit deuxième bureau qui était dirigé par un lieutenant-colonel alsacien qui s'appelait Sander et qui avait pour presque unique collaborateur un certain commandant Henri qui bientôt deviendra lieutenant-colonel. Eh bien, sur la table de Sander apparaît ce jour-là, fin septembre 1994, un bout de papier qu'on va appeler le bordereau. C'est une façon de parler inexacte, car il ne s'agit pas exactement d'un bordereau, il s'agit d'une lettre qui aurait été, je dis bien au conditionnel, qui aurait été trouvée dans la caisse à papier de l'attaché militaire allemand à Paris, le colonel Schwarzkoppen. Et la caisse à papier de ce Schwarzkoppen était faite, comme on dit, chaque jour par une femme de ménage française qui s'appelait Madame Bastien, qui était payée très modestement par les Allemands, mais qui était payée très cher par la France. Elle recevait 250 francs par mois, ce qui était le traitement d'un jeune agrégé à Paris. Elle faisait donc cette caisse à papier, elle apportait au colonel Henri le contenu de la caisse à papier, et on aurait, ce jour-là, découvert une lettre anonyme, sans date, sans signature, mais qui énumérait un certain nombre de secrets militaires. Il y en avait 5. Des secrets militaires vraiment très importants. Et la question était évidemment de savoir qui avait pu envoyer à l'Allemagne des documents aussi graves. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ben des photographies. On fait 6 photographies de ce texte, qu'on appellera le bordereau parce qu'il est une énumération. Et à partir du 6 octobre, alors là les dates commencent à être précises, le 6 octobre, le sous-directeur du 4e bureau, qui s'appelait le lieutenant-colonel Daboville, vient trouver Sander, chef du bureau d'espionnage, et lui dit « J'ai reconnu l'écriture ». Ah ! Oui, oui, c'est l'écriture d'un stagiaire qui, en 95, n'a passé que quelques semaines à l'état-major, qui maintenant est au 14e régiment d'artillerie à Paris, et qui s'appelle Alfred Dreyfus, capitaine Alfred Dreyfus. Je vous dis tout de suite que si Alfred Dreyfus n'avait pas été juif, cette écriture n'aurait pas été reconnue, car ce n'était pas son écriture. Mais il faut savoir qu'il y avait à ce moment-là, en France, un antisémitisme virulent, presque incroyable, puisque le gouvernement tolérait qu'un grand journal très lu, qui s'appelait La Libre Parole, dirigé par M. Drumont, fasse mois par mois des articles très bien documentés intitulés « Les officiers juifs dans l'armée ». M. Drumont les relevait un par un, et la conclusion de son article était toujours la même, c'est un juif, or juif égale Judas, Judas égale traître. Par conséquent, il faut mettre à la porte de l'armée française tous les officiers juifs. Voilà, c'est paraît-il Alfred Dreyfus qui serait le coupable. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais il faut faire examiner par des experts l'écriture de bordereau. On s'adresse donc au plus célèbre qui s'appelait Gobert, qui était l'expert de la Banque de France. Mais avant que M. Gobert ait remis son rapport, le ministre de la Guerre, qui était un général, qui s'appelait le général Mercier, décide de faire appel à un deuxième expert, et qui n'était pas du tout un expert, qui s'appelait M. Bertillon, qui travaillait à la préfecture de police, et qui était l'inventeur des empreintes digitales. Mais jamais il n'avait rien fait comme examen d'écriture. Attention. Avant même que Bertillon remette son rapport, qui lui sera positif, alors que Gobert, au bout de 5 jours, avait dit « Non, je ne crois pas que ce soit l'écriture de Dreyfus ». Avant même, général Mercier décide l'arrestation de Dreyfus pour le dimanche 15 octobre 1994. C'était vraiment se précipiter. On va charger quelqu'un qui s'appelait Dupatit-Clam de faire une enquête très sérieuse, et il l'a fait. Dupatit-Clam aura plus tard beaucoup d'aversion du côté des Dreyfusards, puisque il sera un de ceux que vous allez voir travailler tout à l'heure contre Dreyfus avec férocité. Mais à ce moment-là, pas du tout. C'est un brave homme qui fait son examen, qui revoit de nouveau des experts. Il y en a cinq, il y en a trois qui disent c'est probablement l'écriture de Dreyfus. Il y en a deux qui disent ça n'est pas l'écriture de Dreyfus. Mais finalement, à la fin du mois d'octobre, M. Dupatitlam remet à Mercier un document que nous connaissons où il lui dit « Dans l'état de mon enquête, que j'ai fait de mon mieux, je ne vois rien à retenir contre le capitaine Dreyfus. Et je demande l'abandon des poursuites. » Pourquoi est-ce que Mercier s'obstine? Eh bien, on le sait aujourd'hui. Général Mercier, ministre de la guerre, appartenait à un des deux groupes des officiers supérieurs. Il y avait le groupe de ceux qui sortaient de chez les jésuites, et puis le groupe de ceux qui appartenaient, pas nombreux du reste, à la franc-maçonnerie. Il était considéré comme un général républicain, car il était franc-maçon. Mais voilà que il était détesté par une partie de l'opinion politique, et que, précisément, il avait été annoncé qu'une interpellation serait dirigée contre lui à la rentrée parlementaire. Interpellation venant de la droite, disant « il s'est très mal conduit, il a laissé partir, libération anticipée, environ 30 000 paysans, ou plutôt des viticulteurs, il dégarnit nos troupes, l'Allemagne va nous attaquer, alors il faut remplacer M. Mercier ». Il était très ennuyé, le président du conseil Dupuis se dit « si on renverse mon ministre de la guerre, tout ça se renverse, mon ministère tombe ». Alors Mercier a une idée de génie, il s'est dit « tiens, il y a un juif qui est attaqué, si je suis, moi, si mal vu de la droite, l'homme qui a débarrassé l'armée française d'un juif, je vais sauver la situation ». C'est pour ça qu'il est absolument décidé à faire condamner Dreyfus. Et effectivement, à partir du moment où c'était le 1er novembre, on a livré à la presse le nom de cet officier qui avait été arrêté, qui était soupçonné d'espionnage. Dès qu'on a dit que c'était un officier qui s'appelait Dreyfus, il s'est passé une chose assez rare dans la vie politique française, c'est que les journaux de droite ont cessé, mais brusquement, d'attaquer Mercier en disant au contraire, le général Mercier rend grand service à l'armée française. Par conséquent, il sauve sa situation. Ce général Mercier va commettre d'abord une faute grave et ensuite une forfaiture. La faute grave. Le 28 novembre, il va recevoir un délégué du Figaro qui lui demande « Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire quelque chose sur cet officier juif ? Qu'est-ce qui va arriver ?» Et impavide, Mercier déclare « Oui, il a été arrêté et nous avons toutes les preuves de sa culpabilité, il sera certainement condamné. » C'était terrible de la part d'un ministre de faire cette déclaration, car c'était préjuger le jugement des juges militaires. Les juges ne pouvaient pas désavouer un ministre. Donc il les obligeait à juger et à condamner Dreyfus. Faute très grave. Si grave que Dupuis va faire une déclaration en disant « On a prêté au ministre de la guerre une déclaration qu'il ne peut pas avoir fait, il est trop conscient des devoirs de sa charge, on l'a mal compris ». Le Figaro enregistre cette déclaration et ajoute « Notre reporter n'est ni sourd ni absurde et ce que nous avons dit a réellement été prononcé par Mercier ». Mais ce n'est rien auprès de la forfaiture. La forfaiture, c'est dans le procès. Le procès va durer 5 jours et ça se présente très mal parce qu'il n'y a rien contre Dreyfus. Et il y a 3 experts qui disent oui, il y a 2 experts qui disent non. Et surtout, M. Dupaty, qui a fait l'enquête, dit « je ne vois pas pourquoi M. Dreyfus serait coupable ». D'habitude, ceux qui trahissent, c'est pour de l'argent. Mais Dreyfus est très riche. Il a épousé en plus la fille d'un diamantaire. Il est encore plus riche par conséquent, on ne voit pas pourquoi il se vendrait pour de l'argent. Deuxièmement, il est insoupçonnable du point de vue patriotique parce que c'est un Alsacien, parce que l'Alsace est maintenant allemande, comme vous savez. Une partie de sa famille est restée en Alsace pour continuer à gagner de l'argent, mais que lui a quitté sa famille, est venu vivre en France, a opté pour la France, et même qu'il a fait Saint-Cyr, Polytechnique, etc. Donc, pas de raison. Mercier, vous l'ai-je dit, tient absolument à cette condamnation. Alors la forfaiture qu'il va commettre, elle est bien connue. Alors que le procès est terminé, que les juges militaires sont rassemblés dans une petite pièce où ils discutent le coup, sachant d'ailleurs qu'ils sont obligés de condamner, ils reçoivent de la main du ministre ce que l'on appelle le dossier secret. Où est la forfaiture? On ne peut pas faire intervenir dans un procès, à l'insu de l'accusé et à l'insu même de son avocat, une pièce cachée. Et bien, cette pièce cachée, ça va être un des 5 documents qui sont dans l'enveloppe du dossier secret. 5 documents dont 4 sont des documents de référence pour prouver que le 5e est très important. Et qu'est-ce que c'est que le 5e? C'est une lettre de Panizzardi, l'attaché militaire italien, à l'attaché militaire allemand Schwarzkoppen, qui a été toujours trouvé dans la caisse à papier, et dans laquelle Panizzardi écrit à Schwarzkoppen, 6 juin, 12 plans directeurs de Nice, des plans directeurs, c'est des plans à grande échelle, des fortifications, 12 plans directeurs de Nice, que ce canaille, non pas cette canaille, mais il emploie le français qu'il peut, que ce canaille de D majuscules, m'a remis à votre intention. Je répète, hein, Panizzardi dit, voici les plans directeurs que ce canaille de D m'a remis à votre intention. Il n'y avait que D. Mais les juges militaires disent que si le ministre leur a soumis ce texte, avec un D simplement, c'est que lui, ministre, sait que D égale Dreyfus. Le ministre a eu soin de ne pas dire toute la vérité au juge militaire, car il avait une autre pièce établissant que ce dé, écoutez-moi bien, recevait 10 francs par fourniture. Alors si Dreyfus, qui est très riche, avait trahi, il aurait trahi pour 1 million, certainement pas pour 10 francs la pièce. On apprendra un peu plus tard que ce dé s'appelait Dubois, comme tout le monde, et qu'il était cartographe, employé parfois au ministère de la guerre, et qu'il vendait pour 10 francs à Panizzardi, ce que Panizzardi aurait pu acheter 3 francs chez n'importe quel libraire. Toujours est-il que les juges sont convaincus et que Dreyfus est condamné à la détention perpétuelle, à vie, dans une enceinte fortifiée. À ce moment-là, les traîtres ne sont pas encore condamnés à mort, c'est en 95 qu'on le décidera. Le 5 janvier 95, il est dégradé, vous savez que la scène est très pathétique. On a réuni 3500 hommes dans la cour d'école militaire, on fait défiler ce malheureux Dreyfus devant les troupes, et puis on le dégrade, c'est-à-dire qu'on lui arrache ses galons qui avaient été préalablement décousus. Un adjudant de la garde républicaine a brisé sur son genou l'épée de Dreyfus qu'on avait préalablement sciée, puis on l'oblige à défiler entre 4 soldats. Il a plus de képi, il est livide, toutes les 5 pas, spasmodiquement, il crie « je suis innocent, vive la France », mais ça est ridicule, et il est expédié, comme vous savez, à l'île du Diable. Première fois où Zola intervient, puisqu'il déjeunait chez son ami Alphonse Daudet, ce 5 janvier 1995, que le fils d'Alphonse Daudet, Léon Daudet, qui sera bien connu dans sa polémique royaliste, rentre vers 1h30 à la maison et raconte à son père et à Zola qui est là cette dégradation. Il a dit c'était pathétique, Zola s'y intéresse beaucoup, prend des notes en se disant ça pourrait m'être utile, on ne sait pas, dans un roman. Mais l'idée que les juges militaires ont pu se tromper, n'entre pas dans la pensée de Zola. Personne ne doute. Jaurès lui-même dit « mais c'est bien dommage qu'un pari espion ne soit pas condamné à mort. » Jaurès. Et ben voilà, alors Dreyfus est parti, et toute l'année 95 se passe sans aventure, où il est là-bas, c'est l'île du Diable. Dans la famille, sa femme d'une part, son frère Mathieu, sont indignés, sont convaincus de son innocence, et Mathieu a dit « on se ruinera s'il le faut, mais je vais prouver l'innocence de mon frère ». Et voilà qu'au cours de l'année 96, Mathieu Dreyfus apprend, très obliquement, mais il apprend, la forfaiture de Mercier. Alors il se dit, j'ai tout de même un élément, je vais pouvoir faire quelque chose. Et il demande à un ami, qui lui payera honnêtement pour ça, qui s'appelle Bernard Lazare, de préparer un petit opuscule qui va sortir à l'automne 96 et qui s'appelle « Une erreur judiciaire, la vérité sur l'affaire Dreyfus ». Il n'y a pas de preuve. Il y a simplement le fait qu'il s'est produit quelque chose de tellement irrégulier au procès qu'il faudra le réviser. Presque personne ne remue, mais un député de droite qui s'appelait Castelin et qui sans doute veut se mettre en vedette fait une interpellation, ça se passe le 18 novembre 96 à la Chambre, et dit « Monsieur le ministre de la Guerre, j'espère que vous allez sévir contre cette tentative des Juifs pour déclarer innocent un coupable. » Le ministre de la Guerre qui s'appelle Billot, le général Billot, hausse les épaules et dit « Enfin, ne prenez pas ça au sérieux. Le capitaine Dreyfus a été justement et régulièrement condamné. Justement, ça veut dire avec justice, donc parce qu'il était coupable. Régulièrement, ça veut dire cette histoire de forfaiture est un mensonge. » C'est raté. C'est donc en 96. Cependant, quelqu'un à l'état-major, et même au deuxième bureau, sait la vérité. Ce quelqu'un est celui qui a remplacé Sander. Sander, qui a une syphilis, a été obligé de s'arrêter en juillet 95, et à sa place a été nommé un très jeune, le plus jeune lieutenant-colonel de l'armée française, qui s'appelait Picard. Picard, sur lequel M. Depressensé écrira un livre en l'appelant un héros, le lieutenant-colonel Picard, n'est pas exactement tel qu'on l'a décrit. C'est un malin, il est extrêmement bien avec les uns, avec les autres, qui s'entre-déchirent, bien avec les jésuites et bien avec les francs-maçons. Et il est arrivé à se glisser à ce poste très important, vraiment très important, et qui lui permet une grande carrière. Étudiant les questions qui lui sont soumises, il a, un certain jour d'avril 96, sous les yeux, un papier que Madame Bastian a apporté, et qu'elle a pris toujours dans la caisse à papier de Schwarzkopf. Ce sont des fragments de papier, de ce qu'on appelait à ce moment-là un petit bleu, qu'on appellera plus tard un pneu, vous savez ce que c'est. Et Schwarzkopf a décidé de ne pas l'envoyer, l'a déchiré, mais les morceaux sont là, on reconstitue. Et on s'aperçoit que cet Allemand, Schwarzkopf, écrivait un chef de bataillon d'infanterie qui s'appelait Esterházy. Et il lui disait des choses assez bizarres. « J'ai besoin d'avoir de vous des explications écrites pour savoir si je puis ou non continuer mes rapports avec la maison R, simplement, la maison R majuscule. » Bizarre, enfin, ça mérite une enquête. Alors Picard fait une enquête pour savoir qui c'est. Sterhazy est d'une grande famille hongroise, comme vous savez, mais son père s'était fait naturaliser français, son père était général, son père avait combattu pendant la guerre de Crimée. Mais lui, Sterhazy, le jeune Sterhazy, est un personnage plus que douteux. Deux fois, il a été chassé de club par soupçon de tricherie. Il a failli être renvoyé de l'armée, mais il a des abus politiques. Il est marié, il a même deux filles, mais il a abandonné sa femme. Et il vit maintenant avec une ancienne prostituée qui lui a réservé ses services, rue de la Bienfaisance. Et il dirige clandestinement, lui et elle, un bordel. Évidemment, le personnage n'est pas intéressant, mais enfin, il n'y a pas une preuve contre lui. Soudain, ça à la fin d'avril, je crois, Picard va recevoir un coup, un houle-corps. Il a sous les yeux un spécimen d'écriture d'Esterhazy, et cette écriture est littéralement la fameuse écriture du bordereau qu'il a bien connue et qui est dans ses archives. Coup terrible, ça lui prouve, on s'est trompé, c'est pas Dreyfus qui a fait le bordereau, c'est Esterhazy. Attention, il va mettre du temps avant d'en parler à ses supérieurs, car c'est, semble-t-il, en avril qu'il a fait cette découverte colossale, et c'est au mois d'août seulement, au début d'août, qu'il en parlera à ses chefs. Qui sont ses chefs? Chef d'état-major général de l'armée qui s'appelle Boisdeffre, sous-chef qui s'appelle Gonse. Et pourquoi met-il du temps à leur en parler? Parce qu'il s'est informé sur Esterhazy, et qui sait que Esterhazy est très bien vu, mais véritablement très bien vu, du gouverneur militaire de Paris, le vieux général Soucier. Il lui procure des maîtresses, il lui a rendu des services. C'est embêtant de toucher à Esterhazy parce que ça va gêner Soucier. Tout de même, il se décide, Picard, et stupeur, Gonse d'abord, puis Boisdeffre le lendemain, lui dit « Oh, vraiment, c'est ennuyeux, on fait deux fois de suite des découvertes comme ça, deux traites dans l'armée française, c'est beaucoup. » Et chaque fois, Picard dit « Mais mon général, vous n'avez pas bien compris, il n'y a pas deux traites, il y a un seul traître. Celui qu'on a envoyé à l'île du diable n'est pas coupable, c'est Dreyfus. » Alors là, l'un comme l'autre prennent des figures de marbre et disent « Faites ce que vous voulez à l'égard d'Esterhazy, mais allez-y doucement tout de même pour qu'on n'ait pas une histoire avec l'Allemagne, mais ne touchez pas à l'affaire Dreyfus. » L'affaire Dreyfus, elle est réglée. Dreyfus restera où il est. L'armée ne se déjuge pas. Il s'aperçoit rapidement qu'il avait eu raison de se méfier, qu'il n'aurait pas dû en parler, parce qu'il va être puni. En douce, hein, pas violemment. On va le déposséder de son travail. On l'envoie à l'improviste, alors qu'il ne demandait rien, à la tête du 4e régiment de tirailleurs à Sousse, en Tunisie. C'est beaucoup moins intéressant que la situation qu'il avait à l'état-major et qui lui permettait une grande carrière. Il dit rien, puisqu'il voit que on lui en veut un peu, mais il ne se doute pas que ça va très mal contre lui, au ministère. Et il va recevoir de son subordonné, Henri, qui n'est que commandant alors que lui est lieutenant-colonel, une lettre véritablement insolente, au début de l'année 97, où Henri ne lui cache pas qu'on vous tient, vous savez, cher ami, on vous tient pour un menteur à l'état-major. Alors cette fois, Picard tremble et se dit « Ah, ça va très mal ». Il demande une permission, il arrive à Paris, et le 21 juin 97, il est dans le bureau d'un ami à Paris qui s'appelle l'avocat Leblois, et ce Leblois est en même temps conseiller municipal de Paris. Et là, toute porte bien fermée et en catimini, Picard dit à Leblois la vérité. Il lui raconte, ça y est, j'ai fait une découverte, je sais que Dreyfus est innocent, seulement ça a l'air de tourner très mal pour moi. Ne bougez pas surtout, hein, ne bougez pas, vous n'agirez que lorsque je vous donnerai le feu vert, comme on dirait aujourd'hui, quand je verrai que réellement ma situation est en péril, alors je vous lancerai. Mais ne bougez pas. Eh bien, Leblois va manger le morceau, je crois qu'il a donné une promesse qu'il ne tient pas, et il parle. À qui parle-t-il? Ben, il a choisi le plus insoupçonnable. Il a choisi M. Scheurer-Kestner, prononciation exacte Scheurer-Kestner, qui est vraiment insoupçonnable puisqu'il a été député protestataire. Peut-être savez-vous ce que c'est? C'est qu'une fois que l'Alsace a été perdue et prise par les Allemands, un certain nombre d'Alsaciens ont voulu représenter, mais fictivement, une Alsace qui n'était plus française. Il était de ces députés protestataires. Il est maintenant vice-président du Sénat, personnage considérable, donc du point de vue patriotisme, insoupçonnable. Et Leblois lui dit, je crois qu'il faut faire quelque chose, parce que vous savez, si jamais ça se répand, des mauvaises gens, par exemple, des antimilitaristes, enfin des socialistes, s'ils s'emparent de cette histoire, ça serait très mauvais pour l'armée. Il faudrait faire quelque chose. Scheurer dit, mais évidemment, il faut agir. J'ai de la chance, dit Scheurer. Le ministre Billot, dont je vous ai parlé, ministre de la Guerre, est un camarade de classe. Je le tutoie. Je vais aller le voir, je vais l'expliquer la chose. Alors vous avez cette visite de Scherer Kestner à son camarade Billot, il lui dit, tu sais, j'ai apporté une sale histoire, il dit même une histoire du tonnerre de Dieu, qui peut être très ennuyeuse, alors je t'assure, il faut que l'armée se décide, parce qu'elle se couvrira elle-même si elle reconnaît l'erreur humaine, quoi, qu'elle se reconnaît qu'elle s'est trompée, si on réhabilite Dreyfus et qu'on mette à la place Cicerazzi. Billot dit, mais tu as raison, c'est évident, on lui a apporté les preuves. Billot, mise la gare, a sous les yeux l'écriture de Cicerazzi et l'écriture du Bordereau, il dit, c'est sûr, bon. Mais, ajoute-t-il, tu sais, moi, je suis ministre, un ministre, ça passe. Mais il y a quelqu'un qui passe pas, c'est Boisdeff, chef d'état-major général de l'armée, je peux rien faire sans lui, alors reviens me voir la semaine prochaine, je te dirai. Et quand Scherer revoit Billot, Billot lui dit avec une figure déconfite, tu sais, je m'en doutais, Boisdeff m'a absolument interdit. On ne doit pas retoucher à l'affaire Dreyfus. Alors Scherer prend ça très mal et dit, ben, je vais agir. Si bien que cette affaire Dreyfus, qui n'existe pas encore, personne n'en parle, hein. Brusquement, le 15 novembre 97, l'affaire Dreyfus va éclater. À savoir que ce même jour, 15 novembre, deux bombes ont été jetées, je parle fictivement bien sûr. Rank, c'est un journaliste qui dirige Le Temps, je crois, publie un article de tête en disant « Cette affaire Dreyfus qui s'est passée en 94, il faudrait la reprendre parce qu'il s'est produit une irrégularité très grave et ça mérite une révision. » Et Mathieu Dreyfus va écrire une lettre, qui sera dans les journaux, une lettre au président de la République, en disant « Je demande la libération de mon frère qui est innocent et je suis en mesure de vous désigner le vrai coupable qui s'appelle le commandant Esterhazy. » Que faire? Ça tourne très mal, c'est très embêtant pour l'état-major, alors l'état-major va intervenir. Il va intervenir doucement. Ça commence par une réunion très intime dans le bureau de Gons, où il réunit ses premiers collaborateurs, dont ce Dupaty dont je vous ai parlé tout à l'heure, et il dit « Si Esterhazy perd la tête, ce sera terrible. Mot que je vous demande de retenir, ce sera terrible. On n'a jamais pu l'expliquer. Pourquoi est-ce que c'est si important qu'Esterhazy ne perde pas la tête? Sans doute parce qu'il nommerait quelqu'un qu'il ne faut jamais nommer. Alors, dit-il, c'est Gons qui parle, il faut qu'il soit averti. Mais on ne peut pas lui écrire officiellement, il faut une lettre anonyme. Et parlant ainsi, Gons regardait Dupaty, qui était le plus jeune de la bande. Dupaty n'a aucune envie d'écrire une lettre anonyme, parce que c'est inconvenant. Mais comme le général l'exige, ben il va trouver une solution, il va faire faire la lettre par sa femme, ainsi il pourra toujours affirmer qu'il n'y est pour rien. Et c'est Madame Dupaty qui va écrire à Esterhazy une lettre lui disant, vous savez, il y a des méchants qui vont mettre sur le dos une histoire épouvantable, on va signer Speranza du reste, faites attention. Cette lettre va être suivie d'une convocation très obscure, Esterhazy est invité à se trouver à 5h de l'après-midi, tel jour, dans le parc Montsouris, près de La Vanne. Et là, il voit arriver deux personnages qu'il connaît très bien. C'est d'une part Henri et d'autre part Dupaty-Tlam. Et dans ce parc Montsouris, Dupaty-Tlam et Henri disent à Esterhazy, écoutez, cher ami, il y a une sale histoire contre vous. Il me semble, on nous a dit que vous êtes prévenu. Ne faites surtout rien, rien, sans notre accord. Et qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Eh bien, d'accord avec le Pellieu, qui est un général important à Paris, dont je ne me rappelle plus le rôle, ils ont persuadé Esterhazy de demander lui-même à passer en conseil de guerre. Parce qu'ils lui ont dit, vous savez, une fois que vous serez passé en conseil de guerre, vous êtes tranquille. Parce qu'il y a un axiome juridique que tout le monde connaît, res judicata pro veritate habetur, ce qui signifie la chose jugée est officiellement la vérité, habetur, doit être considérée comme la vérité. Alors une fois que vous serez passé en conseil de guerre, et bien entendu vous serez acquitté, mais disait Esterhazy, attention, il y a tout de même l'écriture. Et Henri lui dit, ne vous inquiétez pas, les experts, nous les avons en main. Si bien que, le 10 janvier 98, Esterhazy, sur sa demande, passe en conseil de guerre. Il avait fallu 4 jours, en 94, pour déclarer coupable l'innocent Dreyfus. Il n'aura pas fallu 48 heures, les 10 et 11 janvier 98, pour déclarer innocent et blanc comme neige le coupable Esterhazy. En 1935, Blum a fait des confidences, il a fait un tout petit bouquin qui s'appelait « Souvenirs sur l'affaire » et il dit « Lorsque nous avons appris cette nouvelle, les bras nous en sont tombés. Nous étions tellement convaincus que l'affaire était réglée parce que le Figaro, le 28 novembre 1997, avait publié un numéro spécial, un numéro extraordinaire. Le Figaro s'était procuré une photographie du bordereau et une lettre d'Esterhazy. Cette lettre avait été écrite par Esterhazy, jeune homme, il était encore que lieutenant, à une amie à lui, sa maîtresse et en même temps une cousine qui s'appelait Madame de Boulancy. Il avait plaqué Madame de Boulancy, mais comme assez souvent, il l'avait plaqué utilement et il lui avait escroqué 30 000 francs. Il avait écrit à Madame de Boulancy un certain nombre de lettres et Madame de Boulancy était allée trouver le directeur du Figaro en lui disant « J'ai un document à vous proposer ». Ce document était une lettre de 81, écrite à elle-même par ce lieutenant de l'armée française, lequel disait « Le plus beau jour de ma vie serait celui où, à la tête d'un escadron de Uhlans, vous savez, les dragons allemands, à la tête d'un escadron de Uhlans, j'entrerais dans Paris pour massacrer les Parisiens. » C'était assez gratiné de la part d'un lieutenant de l'armée française. Alors, Madame de Boulancy avait vendu ce document. Elle l'avait vendu 30 000 francs, quoi. Elle rentrait dans ses débours. Et le Figaro l'avait publié. Première page du Figaro, photographie de la lettre dite du Uhlans, photographie du bordereau. C'était donc évident. Tout le monde savait, tout le monde pouvait voir l'évidence. Alors, c'est une catastrophe, dit Blouk, de penser que devant une pareille évidence, néanmoins, Dreyfus allait rester prisonnier. Et c'est là que va intervenir Zola. Zola a été contacté par un nommé Marcel Prévost, bien oublié aujourd'hui, qui est un romancier qui avait une certaine importance. Et c'était M. Scherer-Kessner qui s'employait à trouver autour de cette réhabilitation de Dreyfus un certain nombre de collaborateurs, les plus importants possibles. Marcel Prévost était venu trouver Zola et lui avait dit « Monsieur Zola, est-ce que vous acceptez d'entrer dans le coup ?» Et Zola dira avec gentillesse plus tard « Vous savez, si j'avais été dans un roman, j'aurais probablement dit non, ça ne me regarde pas. » Mais j'étais vacant. Il venait de terminer les trois villes, terminer Paris, il ne savait pas encore ce qu'il allait faire. Comme je n'avais pas de travail en chantier, ben j'ai dit « Si vous voulez. » Alors j'ai étudié le dossier, j'ai vu l'évidence, et évidemment que Dreyfus était innocent. Alors il a commencé une petite campagne, mais très tranquille. Et il dira plus tard, j'étais sans fièvre, j'étais absolument paisible. J'ai fait un premier article qui s'appelait Scherer-Kessner, où il dit, si un homme comme Scherer-Kessner entre dans cette affaire, on peut être sûr que c'est sérieux. Et comme à droite, on avait inventé l'idée d'un syndicat S majuscule, un syndicat juif, où on disait, il y a un terrible syndicat, très riche en particulier, avec des juifs allemands qui vont acheter au plus haut prix les plus hautes consciences, et pour faire déclarer innocent le coupable Dreyfus, Zola, dans un deuxième article, intitulé Le syndicat, avait dit, mais ça existe, vous savez, le syndicat qui est en faveur de Dreyfus, c'est le syndicat des honnêtes gens, le syndicat des braves gens, j'en suis, et j'espère que tous les Français en sont derrière moi. Tout ça, le ton le plus tranquille. Mais quand le 11 janvier au soir, il apprend que voilà, Dreyfus condamné à perpétuité, cette fois c'est loupé, c'est fini. Il va prendre une décision. Il a été, il le dira lui-même, mais en d'autres termes, il a été atteint, enfin secoué jusque dans ses racines. Maurice Barrès, qui représentait le nationalisme, avait dit « Oh, cette histoire de Dreyfus n'a que l'intérêt secondaire d'une historiette !» Et Zola dit « Non, c'est pas une historiette l'affaire Dreyfus, c'est, et ça me plaît qu'il ait écrit ça, c'est l'histoire d'un juif crucifié. » Et le voilà qui va s'engager. Or, vous savez, ça lui coûte de s'engager, parce qu'il n'est pas fait du tout pour la polémique. Zola, qui a un art extraordinaire pour décrire les foules, déteste les foules. Il est agoraphobe en plus, c'est pas. Il déteste les grands emplacements, il déteste être au premier plan. Il n'a aucun talent oratoire, et il va s'engager dans l'histoire qui demandera son action physique. Quand il a été président des gens de lettres, il était obligé de faire des discours, à chaque fois, au Père Lachaise ou ailleurs. Il expliquait que c'était d'une perte irréparable pour les gens de lettres. Mais comme il ne savait pas parler, il avait écrit. Comme il était myope, il tenait ses petits bouts de papier sous son nez. Et il y avait toujours grand succès quand Zola parlait, parce qu'on savait qu'on n'allait pas s'ennuyer. En effet, il se trompait tout le temps, il recommençait, enfin, c'était pitoyable. Alors Zola sait d'une part qu'il va s'engager une histoire pour laquelle il n'est pas fait, d'autre part qu'il n'a pas de talent oratoire, mais pour des raisons profondes, et nous verrons tout à l'heure. Il s'engage, et le voilà qui va, dans la journée du 12, écrire une lettre à Monsieur le Président de la République. Cette lettre au Président de la République, Zola va la remettre à son ami Clémenceau. Clémenceau dirigeait à ce moment-là un journal de gauche qui s'appelait L'Aurore, et Clémenceau, qui a le sens journalistique, a décidé de changer le titre. Au lieu de « Lettre à Monsieur le Président de la République », on le mettra en petit caractère, on va mettre en très gros caractère « J'accuse ». J'ai mis du temps à comprendre que c'était ce « J'accuse ». Et mes yeux ne sont ouverts que lorsque j'ai lu, il y a quelques années, le texte de Blum. J'avais pris « J'accuse » pour un monument de polémique. Je m'étais dit « C'est aussi beau que les châtiments, c'est très bien fait, c'est vraiment très épatant. » Mais Blum nous a ouvert les yeux, a dit « Mais non, c'est pas de la polémique, c'est de la stratégie. » Comment de la stratégie ? Eh bien voilà, Zola avait fait un petit raisonnement, il fallait être intelligent pour le faire et courageux pour le soutenir. Zola s'était dit « Il est maintenant évident que si on laisse cette affaire Dreyfus entre les mains des tribunaux militaires, la vérité sera engloutie. Parce que les tribunaux militaires jugent à huis clos et qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Je vais m'arranger pour transporter cette affaire Dreyfus dans le domaine public, me faire poursuivre, moi qui suis un civil, aux assises, et je pourrai dire tout ce que je veux dire aux assises. C'était extrêmement malin. Et comment avait-il fait? Eh bien, il avait accusé nominativement, dans son texte, nominativement, le général Mercier, le général de Boileff, le général Gons. Et il avait même accusé les gens du deuxième conseil de guerre, ceux qui avaient innocenté Saradji, en disant « J'accuse les hommes du deuxième conseil de guerre d'avoir sciemment, et par ordre, déclaré innocent un coupable, et c'est volontairement que je le fais. » En effet, dans J'accuse, à quelques millimètres plus bas, il y avait la dynamite. « Ce que je fais, écrit Zola, ce que je fais ainsi, me place directement sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse concernant la diffamation et je demande à être poursuivi en cour d'assises. » C'était tellement malin que Boileff est épouvanté. Et je dis « Ah, sûrement pas, il ne faut pas poursuivre, Zola nous tend un piège. » Et c'est Boileff qui va peser sur le gouvernement pour dire « Mais Zola est un pornographe, Zola est méprisable, ce qu'il dit ne compte pas. » Mais voilà une interpellation d'un brave type du reste qui s'appelait Albert Demain, qui était député nationaliste et catholique un peu rose, et il va dire « Non, c'est pas possible, voyons, le gouvernement ne peut pas rester insensible devant une offense pareille à l'armée. » Alors le gouvernement se décide, malgré Boileff, à poursuivre Zola. Boileff tente de limiter les dégâts et dit « Écoutez, vous voulez le poursuivre, mais on va le poursuivre sur deux mots seulement qu'il a employés. Il a dit « par ordre ». Eh bien, comment voulez-vous qu'il prouve que c'est par ordre que les juges militaires ont agi? Vous pensez bien qu'il n'y a pas de bout de papier qui peut sortir disant « nous avons ordonné ». Alors on le tient, on va le condamner pour défamation. Mais qu'on ne parle jamais de l'affaire Dreyfus. Et en effet, vous savez sans doute que le président des Assises a reçu un ordre très précis, des instructions très fermes. La question ne sera pas posée, c'est-à-dire que si quelques témoins se met à parler du fond des choses, c'est-à-dire de l'affaire Dreyfus, on lui coupera la parole car on ne doit pas en parler. Alors le procès de Zola va se dérouler du 7 au 23 février 98. Il est convaincu d'avance qu'il va perdre son procès. Il sait très bien que l'armée va triompher. Il sera effectivement condamné à un mois de prison qu'il ne fera pas parce qu'il se sauvera en Angleterre, et il a bien raison, et à 3000 francs d'amende. Il a perdu, il a gagné. Il a gagné parce que malgré les efforts du président pour empêcher de parler de l'affaire Dreyfus, tout le monde en a parlé, que cette fois la presse française totale et même une partie de la presse mondiale était là qui écoutait, et qu'on s'est aperçu, tout le monde s'est aperçu, qu'il y avait des souterrains dans cette affaire Dreyfus et qu'il y avait des chances pour que Dreyfus soit innocent. Et la suite va prouver qu'il avait raison d'agir ainsi. Parce que le nouveau ministre de la guerre, qui est pour la première fois et par erreur un civil qui s'appelle Cavaignac, le fils du Cavaignac de 48, va vider l'abcès, puisqu'on s'entretue à travers les Français, il y a les pour et il y a les contre. Le 9 juillet 1998, M. Cavaignac, le ministre, va lire à la tribune le document. Le document qui prouve la culpabilité de Dreyfus. C'est un document de 96, c'est une lettre secrète toujours de Palizzardi à Schwarzkoppen, où il est dit à peu près ceci. Attention, un député va interpeller sur l'affaire Dreyfus. Vous savez que c'est en 96 que le député Castelin avait posé la question. Si l'on vous demande de Berlin de nouvelles explications, dites comme moi, car il ne faut pas que l'on sache jamais personne, c'est ainsi qu'il parle, que l'on sache jamais personne les rapports que nous avons eus avec ce juif. Bon. Alors ça, c'est le document massu. Ça prouve, quand il parle à voix basse, à Panizzardi et Schwarzkoppel, qu'ils savent très bien que Dreyfus est un traître à leur solde. Quand le ministre lit ça à la tribune, c'est une stupeur. Et les socialistes eux-mêmes, qui d'habitude votaient obstinément contre le gouvernement, votent la confiance. Mais Jaurès, qui est là, est convaincu que ce document est un faux. Et pendant tout le mois suivant, c'est-à-dire le mois d'août, il a publié dans La Petite République, l'humanité n'existait pas encore, une série d'articles intitulés « Preuves » au pluriel. Et il décortique ce texte en disant « c'est évidemment un faux ». Or, vous savez ce qui va se passer, le 30 août 98, Henri est convoqué par le ministre Cavaignac qui lui demande quelques explications sur ce document, parce qu'on s'est aperçu, en regardant de près le document, qu'il est déchiré en deux, cette fameuse lettre, qu'il y a « mon cher ami », puis une déchirure, et puis le texte. Mais que le quadrillage qui est au-dessus et le quadrillage qui est au-dessous n'est pas le même. Il est, au point de vue du millimètre, le même, mais la couleur n'est pas la même. C'est violet foncé, puis c'est rouge sombre en bas. Alors on va demander à Henri, mais comment se fait-il que quand on déchire un bout de papier, le quadrillage change? Il semble évident que vous avez ajouté quelque chose. Pendant 6 fois, car j'ai le procès verbal, 6 fois, Henri dira au ministre qui l'interroge, « Monsieur le ministre, je vous jure, c'était comme ça. » Le ministre chaque fois dit, « Mais ce n'est pas possible, voulez-vous expliquer pourquoi ?» Alors 7e fois, les murailles tombèrent. Et Henri, qui s'exprime devant le ministre d'une part, et Boileff et Gons, qui sont à côté du ministre, les regardent l'un après l'autre et dit « C'est vrai, c'est moi qui fabriquais le document, parce que mes chefs étaient inquiets, Mes chefs étaient inquiets, n'avaient pas de preuve contre Dreyfus, et j'ai fabriqué cette preuve, car je sais en conscience que Dreyfus est coupable. Bon, alors c'était l'aveu de faux en écriture publique, il est passible de la perpétuité même. Et le même jour, Henri est incarcéré au Mont-Valérien, mais le lendemain, on le trouve suicidé. Alors à partir de ce jour, tout va changer, on va être obligé de réviser. Madame Dreyfus a demandé au ministre de la Guerre une révision, on consulte la Chambre est d'accord, vous savez ce qui va se passer, on va décider de faire une deuxième procès de Dreyfus, il n'y a plus maintenant le capitaine, l'ex-capitaine Dreyfus, il y a le capitaine Dreyfus qui a revêtu son uniforme, qui a été ramené de son île du diable, qui va comparaître, ça va se passer en août-septembre, oui, août-septembre 99, à Rennes cette fois, on n'a pas choisi Paris, parce que Paris est trop tumultueux, tandis que Rennes, en Bretagne, c'est un peu plus tranquille. La décision a été absurde. Les juges militaires se sont un peu séparés. Ils sont sept. Il y en a cinq qui disent qu'il est coupable. Il y en a deux qui disent qu'il n'est pas coupable. Alors Dreyfus va être recondamné. Recondamné, mais pas cette fois à la perpétuité, à 10 ans de prison. Et immédiatement, le ministre de la Guerre, Gallifet, qui a tout organisé, a décidé de gracier Dreyfus. Alors Dreyfus est gracié, on va faire une amnistie. Waldeck-Rousseau, qui est président du Conseil, décide qu'il faut en finir d'une manière absolue avec cette affaire Dreyfus, ce qui va permettre à Julien Binda, dans une revue qui s'appelle La Revue est Blanche, de faire un tout petit article où il y a la phrase que je crois savoir par cœur. « Depuis 5 ans, on nous affirme que nos généraux sont insoupçonnables et maintenant on s'empresse de les amnistier d'avance. » Dreyfus a accepté sa grâce, bien que ça lui coûte. Il veut la réhabilitation, le gouvernement ne veut pas en entendre parler. C'est Jaurès qui va s'en occuper en 1903 et qui mettra beaucoup de temps à obtenir, puisque c'est en 1906 que Dreyfus sera enfin réhabilité. Mais en 1906, il n'y a plus de Zola. Zola était mort en septembre 1902. Il n'a donc pas vu le résultat de ses efforts. Néanmoins, comme l'écrira si exactement Léon Blum, sans l'intervention de Zola, Dreyfus serait mort au bagne. Alors maintenant, je voudrais que nous essayions de regarder ensemble ce qui a décidé Zola. Enfin, qui c'était? D'où sortait-il, ce personnage? Bien, je vais commencer par un texte de Peggy assez intéressant. Peggy n'aimait pas beaucoup Zola, sa littérature ne lui plaisait pas, mais il avait été remué comme tout le monde par J'accuse, et il avait demandé à Zola de le recevoir. Et Peggy racontera en 1902, dans un exemplaire, dans un numéro de ce cahier de la quinzaine, la visite qu'il a fait à Zola. Il m'a dit, j'étais très surpris, je m'attendais à me trouver en présence d'un écrivain, d'un homme de lettres, et j'ai vu une espèce de vieux paysan. Il n'était pas vieux, Zola. Il avait à ce moment-là 57 ans. Il était assez ratatiné. Sa maison était bien chauffée. Mais cependant, il avait un châle sur les épaules. Il était comme ça, tout refermé sur lui-même. Et ce qui a surtout frappé Peggy, ce qu'il écrit, c'est que j'ai été frappé, oui, de l'extraordinaire faculté qu'avait conservé cet homme qui n'était pas plus jeune, de s'étonner de ce que les gens peuvent faire de bête, de sale et de mauvais. Ça me faisait penser à quelque chose qui est arrivé antérieur, qui est de 1974, un article de Banville sur ce Zola qui commençait à se faire connaître. Et Banville avait dit, c'est drôle, il est curieux à voir de près ce monsieur Zola. Il réagit devant tout avec une espèce d'étonnement. On dirait qu'il a des réactions de sauvage ou d'enfant. Mais ce mot d'enfant m'a beaucoup frappé parce que figurez-vous que dans le deuxième bouquin qu'avait écrit Zola, quand il avait commencé, qui s'appelait « La confession de Claude », il avait mis en scène un certain Claude qui était lui-même et un certain Jacques qui était un réaliste, un étudiant réaliste. Et cet étudiant réaliste lui avait dit en se moquant « Mon pauvre Claude, il restera toujours un enfant, tiens ». Et voilà que, à la fin de sa vie, presque à la fin de sa vie, à la fin des Rougon-Macquart, en 92, s'il ne me trompe pas, Zola avait terminé les Rougon-Macquart par un très beau livre qui s'appelle « Le docteur Pascal », où tout le monde sait que le docteur Pascal, c'était lui-même. Et décrivant le docteur Pascal, il avait dit « Il y a au fond des yeux du docteur Pascal un curieux regard d'enfance ». Je m'attache à ce mot « enfance » parce que je voudrais vous apporter des textes du jeune Zola. Savez-vous ce qui lui était arrivé entre 20 et 21 ans, dans l'hiver 60-61? Il vivait très pauvrement dans un meublé de Paris, rue du Panthéon. Et là, une nuit, il y avait une prostituée qui avait eu des crises, elle criait, on lui avait mis du vinaigre sur les tempes. Elle s'était endormie et le petit Zola s'était proposé pour la veiller. Puis quand elle s'était réveillée le matin, elle avait vu ce petit jeune homme qu'elle avait souvent croisé dans l'escalier. Elle lui dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Mais il dit, il fallait quelqu'un pour vous veiller, madame. Alors elle le trouve très drôle et elle le récompense comme elle pouvait le récompenser. Il couche avec elle. C'est de la première fois qu'il couche avec une femme. Et ce tout jeune Zola va faire quelque chose d'absolument insensé. Et c'est vrai, on sait bien que c'est vrai. Il va vivre avec cette femme, cette prostituée, et il va lui proposer, vous m'entendez bien, il lui proposait de l'épouser. Il lui dit, mais moi, je vais travailler, et puis toi, quel travail? Il va dire, moi, j'étais couturière. Elle dit, j'ai pas de chance de tomber sur un écrivain qui ne gagne pas sa vie, ça va durer quelques semaines, puis elle le plaquera. Ça l'avait profondément remué, mais voyez ce qu'il était capable de faire. Il voulait épouser cette prostituée. Lorsqu'en 65, il va prendre une maîtresse, lui qui vivait sans femme, Alexandrine Mellet, qui vendait des fleurs, place Clichy, qui avait été, semble-t-il, la maîtresse de Cézanne, il se met en ménage avec elle, et il veut l'épouser, il veut toujours épouser celle avec qui il couche. Et cette Alexandrine lui dit, minute, elle veut faire attendre 5 ans pour voir s'il est bien, s'il est raisonnable, s'il gagne suffisamment dans sa vie. Et c'est en 70 seulement qu'elle l'épousera. Il faut savoir que Zola, avant de faire des romans, avait fait des quantités de vers, des vers. Et c'est monsieur Henri Mitran, le spécialiste actuel de Zola, qui a publié ces vers, des milliers de vers, qui sont des vers d'azur, vous savez, c'est rose et bleu. Je me rappelle avoir lu ceci, par exemple. Ô toi, Seigneur d'amour, de joie et d'espérance, toi qui mis dans mon être ce feu pur dont l'ardeur me rapproche de toi. Et puis, voilà des citations intimes, ce qu'il n'a pas publié, mais qu'on a retrouvé du Zola 22-23 ans, où il dit, j'ai en moi deux existences parallèles. L'une dans le monde de la misère, où je suis. L'autre dans la profonde pureté du ciel bleu. Ou encore, il y a en moi un âpre besoin du réel et une impossibilité de renoncer aux espérances du rêve. Il faut savoir que les espérances du rêve restent cachées au fond de Zola et qu'au moment des Rougon Macquart, il va introduire dans ses propres Rougon Macquart, donc vous savez, c'est quelque chose de plutôt sombre, il va introduire un livre qui s'appelle Le rêve précisément et qui va dérouter les critiques. Le rêve, dans cet univers macabre des Rougon Macquart, c'est en effet c'est quelque chose de bleuâtre, d'azur, c'est presque incroyable. C'est un livre inexplicable pour le public, mais très explicable quand on connaît la vie intérieure de Zola. Zola était un homme qui vivait retiré. Il avait une grande admiration pour Flaubert, parce que Flaubert, qui connaissait bien, lui avait dit un jour, la célébrité s'obtient à force de course, donc il faut avoir des relations, quoi. Et ben Zola négligeait, il disait, non, je serai reconnu parce que j'ai du mérite. Et il ne voyait personne, on ne le voyait pas dans les salons, on ne le voyait pas dans les coulisses du théâtre, c'est un homme qui s'enfermait. Et en 74, dans ses nouveaux contes à Ninon, dans la préface, il va dire « Je me suis si bien enfermé que personne ne vient plus me voir. » Parce que c'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de foncièrement honnête. Et alors pourquoi est-ce qu'il va prendre la décision que je viens de vous raconter tout à l'heure ? Eh bien, vous savez qu'en 88, il a donc 48 ans, cet homme si sage et qui n'a pas de maîtresse, prend une maîtresse. Il aime toujours sa femme, Alexandrine Mellet, mais elle n'a pas pu lui donner d'enfant. Il a très envie d'avoir des enfants. Et puis il est atterré sexuellement par une de ses bonnes. Or il a honte, il le dira lui-même, parce qu'il avait écrit Pobouille. Et vous savez, Pobouille, c'était l'histoire des filles bonnes, quoi, des domestiques, qui étaient vraiment à tout faire, puisque la fille de Pobouille, qui est enceinte, ne sait pas si elle est enceinte du père ou du fils dans la maison. Et le voilà qui court après sa bonne. Et il se dit à lui-même, c'est pas possible ce que je fais. Et savez-vous qu'il va se battre contre lui-même pendant des mois, puisque c'est en avril 88 qu'il s'est mis à désirer cette fille, qui est une petite vierge, qui s'appelle Jeanne Rosereau, qui est à moitié suisse, à moitié française. Et c'est le 10 décembre, vous m'entendez, le 10 décembre 88, c'est-à-dire après plus de 6 mois, qu'il va se décider à coucher avec elle, parce que c'est elle qui le lui a demandé. Et il a mauvaise conscience à l'égard de sa femme. Et il va faire des choses lamentables, il va jurer à sa femme qu'il ne reverra pas la petite, mais il est attaché à elle, et il va lui demander des enfants. Et elle va lui donner Denise en septembre 89, et elle va lui donner Jacques en septembre 91. Et dans une note intime, j'ai trouvé ceci qui me touche profondément. « Enfin, grâce à Jeanne, sous mes lèvres, ses tièdes cheveux d'enfant à embrasser. » Savez-vous qu'après la deuxième naissance, après la naissance de Jacques, Zola qui aime toujours Jeanne et qui l'aimera constamment, ne couchera plus avec elle. Parce que Zola est quelqu'un qui considère que la sexualité est abominable. Savez-vous ce qu'il va écrire en Fécondité ? En Fécondité, il va écrire des choses qui sont au-delà même des exigences catholiques. Il va dire « il est inconcevable de faire l'amour quand on ne veut pas d'enfant. La seule justification de cette bestialité, c'est la procréation. » Il faut savoir ces choses-là. Alors, vous savez, quand il se décide à entrer dans l'affaire Dreyfus, comme il va le faire à ses risques et périls, je me demande si pour une part, ce n'est pas pour se racheter lui-même. Il n'est pas content de ce qu'il a fait. Il vit dans l'adultère. Et autrefois, dans un article sévère contre George Sand, il avait dit que l'adultère repousse toujours sur un mensonge et que pour sa part, il le condamne. Et bien maintenant, c'est quelqu'un qui vit mal. Mais ce qu'il accepte de faire ce jour-là, avec tous les risques qu'il va courir, et je vous assure que ce sont des risques sérieux, il le fait, j'en ai l'impression, pour retrouver en face de lui-même, en secret, d'une dignité qu'il a perdue. Je n'ai pas encore assez insisté sur ce que ça lui avait coûté de prendre l'attitude qu'il avait prise. Vous n'imaginez pas le déchaînement de fureur contre lui dès qu'il a écrit « J'accuse ». On a réuni aujourd'hui, et c'est facile, dans presque tous les livres sur Zola, vous en voyez la reproduction, des caricatures monstrueuses contre lui. Toute la droite est déchaînée. On n'oublie pas qu'il est un pornographe, alors que vous savez qu'aujourd'hui, ses livres sont au contraire d'une décence extraordinaire par rapport même à Anatole France qui écrivait des choses beaucoup plus troublantes. Non, Zola est un homme qui est la proie de violences incroyables. On le représente, par exemple, sortant à mi-corps d'un tonneau de vidange. C'est évidemment un homme acheté par l'Allemagne. Alors il y a une caricature très célèbre où on le voit qui sourit comme ça au public, mais qui derrière tend la main pour recevoir une pile de billets de banque, de banknotes, comme on disait, de Guillaume II, l'empereur d'Allemagne. C'est un vendu et c'est un abominable. Denise, la petite fille Denise, racontera dans son livre qu'elle a consacré à son père bien longtemps après sa mort, qu'elle avait reçu, elle, Denise, qui avait à ce moment-là 9 ans, une enveloppe dans laquelle il y avait quelque chose de dur. Ce quelque chose de dur était une carte postale. Cette carte postale représentait la tête de Zola et en avait crevé les yeux. Il faut que vous sachiez qu'une bombe a été placée à l'entrée de l'appartement de Zola, sous la voûte d'entrée. Des gens l'ont aperçu, on a pu la désamorcer, mais enfin, sa vie était en péril. Et puis vous savez que sa mort pose encore aujourd'hui problème. Jacques m'en a parlé, j'aimais beaucoup ce fils Jacques. Il avait les yeux de son père. Je connais des masses de photographies de Zola, qui lui-même était photographe. Jacques, qui était beaucoup plus grand, Jacques avait presque 1m80 et Zola avait 1m69. Jacques avait les mêmes yeux que son père, de grands yeux bruns et tristes. Et Jacques m'a raconté, je suis convaincu que la mort de mon père a été un crime. En effet, c'était dans la nuit du 27 ou 28 septembre 1902. Pendant l'été, on avait fait venir des fumistes qui avaient travaillé dans la cheminée qui tirait mal. Or, cette cheminée a été bouchée. Si bien que les exhalations de carbone, enfin, je ne sais pas quoi, qui se sont répandues dans la pièce. Et vous savez peut-être aussi que les médecins ont dit que si Zola n'avait pas bougé, il s'en serait tiré. Madame Zola était restée presque évanouie parce qu'elle était admise, emprisonnée, mais elle n'a pas bougé, donc on a pu la réanimer. Tandis que lui, Zola, s'est levé et que s'il ne s'était pas levé, il n'aurait pas été foudroyé. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser, mais lui, Jacques, était convaincu que cet attentat avait été prémédité et qu'on avait empoisonné son père. Bien, voyez-vous, ce personnage-là, le personnage profond de Zola, est quelqu'un dont l'opinion publique ne connaît presque rien. C'est pas comme ça qu'on se le représente. J'ai essayé de l'étudier du plus près possible. J'en ai parlé au vrai spécialiste que j'ai déjà nommé, Henri Mitran. Il me donne raison. Il dit, il y a un Zola caché. Un Zola qui a continué à croire à un certain nombre de choses qu'on ne croyait pas autour de lui. Et pour finir, je voudrais vous apporter 2 petits documents. Le premier, c'est ce que Zola avait écrit dans le docteur Pascal en 92. 92, ça fait exactement 10 ans avant, avant sa mort d'1902. Et je vous ai dit, et tout le monde reconnaît, que le docteur Pascal est une transposition de lui-même. Et bien, figurez-vous qu'il avait décrit la mort du docteur Pascal, et je crois que, ma foi, vous allez en juger, qu'on peut parler de prémonition. Je vous lis ça. C'est donc Zola, 1892, fin du docteur Pascal. Soudain, sentant qu'il étouffait, le docteur Pascal se jeta hors du lit. Il voulait se lever, marcher. Un besoin de grand air le jetait en avant. Il tomba, il voulut respirer. Il avança en vain ses lèvres vers l'air qui lui manquait, ouvrant à demi une pauvre bouche comme un bec de petit oiseau. Eh bien, il se trouve que c'est comme ça qu'il est mort. Je vais vous lire maintenant un texte du docteur Pascal, qui est donc une espèce de testament spirituel. Et comme Zola était un croyant, appelons ça le credo d'un incroyant. Je le lis lentement parce que je trouve que chaque mot a sa valeur. Vivre pour l'effort de vivre, pour la pierre apportée à l'œuvre lointaine et mystérieuse. La seule paix possible ici-bas étant dans la joie de cet effort accompli. C'était Les Historiens racontent, Émile Zola et l'affaire Dreyfus par Henri Guillemin. Réalisation Marie Vouilloux.